Alors, frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a commencé à enseigner sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, et nous avons parlé de la prédestination. Nous étions dans 1 Pierre, et c'est là qu'on va continuer. Mais si vous voulez bien, on va se courber dans un mot de prière pour commencer. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux encore une fois d'être devant toi afin que tu puisses nous parler, nous enseigner par ta parole. Justement, Seigneur, par ton esprit, convainc-nous de cette vérité. Change en nous peut-être le mensonge et remplace-le par ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Merci d'avance pour tout ce que tu veux accomplir dans nos vies afin de te révéler et de te faire glorifier et que tu sois glorifié, Seigneur. Amen. Donc, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles, si vous voulez bien, ou simplement suivre sur l'écran dans 1 Pierre chapitre 1, les deux premiers versets. 1 Pierre chapitre 1, les deux premiers versets. Pierre commence cette merveilleuse épître comme suit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous avons vu la dernière fois que Pierre s'adresse à des lecteurs qui sont choisis. Verset 2 nous dit « les élus de Dieu ». Et les croyants élus à qui Pierre écrit sont dispersés dans l'Empire romain, dans une série de petites assemblées qui ont été mentionnées dans les provinces plus tôt. Ils sont dispersés, ils sont étrangers, parce que leur vraie patrie, c'est le ciel. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Au moment où est-ce que Pierre écrit à ces gens-là, à ces églises-là, les croyants subissaient une persécution constante, une persécution croissante. Et qui a réellement commencé avec l'incendie de Rome. L'incendie de Rome qui a eu lieu en 64. Et c'est à ce moment-là que la grosse persécution a eu lieu et les chrétiens ont été dispersés. Et c'est pourquoi Pierre débute son épître de cette façon. À ceux qui sont élus. Pierre réconforte les croyants. Son but, c'est de les encourager à continuer, à persévérer. Il veut qu'ils gardent leur focus. Il veut peut-être rétablir leur vision, si je peux dire. Donc, Pierre réconforte les croyants avec cette réalité que même si le monde les rejette, même si le monde les repousse et les persécute, ils ne sont pas pour autant rejetés par Dieu. Non. Au contraire, il dit, vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les choisis de Dieu, frères et sœurs. Donc, en partant sa lettre, au tout début, il leur rappelle quelque chose de fondamental. Peu importe ceux qui vous persécutent, celui qui est souverain, lui, vous a élus. Il vous a choisis. Vous êtes les élus de Dieu, vous êtes les choisis de Dieu. En effet, depuis toute éternité, Dieu a prédéterminé de mettre son amour sur certaines personnes parmi le monde entier. Et ces derniers, ceux qui l'ont choisi, sont appelés les élus. Et ce choix a été fait uniquement sur la base de sa grâce souveraine. Il faut bien se rappeler ça. C'est la nature de notre élection. Et parce que nous sommes élus, nous sommes des étrangers maintenant. Nous vivons temporairement sur la terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes une société au sein d'une société. Nous avons des convictions, nous avons des croyances, nous avons des idées, des habitudes, des émotions, oui. Nous avons des normes de vie, des principes, des occupations, des pensées. Nous avons des plaisirs qui sont totalement étrangères à ceux du monde dans lequel nous vivons présentement. Nous sommes donc des étrangers dans ce monde. Et c'est normal qu'on ne se sente pas à la maison parce qu'on n'est pas à la maison. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 2 qui nous dit « Élu selon la préscience de Dieu le Père. » Élu selon la préscience de Dieu le Père. C'est selon sa préscience que Dieu nous a choisis. C'est Dieu qui a fait le choix. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous renforce cette vérité. Il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc, c'est Dieu qui nous a choisis pour être sauvés. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui a fait ce choix-là. Et il a fait le choix de manière totalement indépendante. Il n'y a personne qui bouge la volonté de Dieu pour faire un choix. Il n'y a personne qui l'influence. Il n'y a personne, il n'y a aucune circonstance qui, de quelque façon que ce soit, précipite son choix. Dans Daniel, chapitre 4, verset 35, nous pouvons lire « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à la main et qui lui dise « Que fais-tu? » Personne ne peut remettre en question ce que Dieu fait. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Dieu est souverain. Personne n'est impliqué dans le processus avec lui, de quelque façon que ce soit, pour l'aider, pour lui suggérer. Le fait est que Dieu a mis à part certaines personnes dans son propre esprit et il les a choisis pour qu'ils aient la vie éternelle, pour qu'ils le connaissent, lui, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, avant de créer les êtres humains, Dieu a décidé de leur destin. Croyez-vous ça? Avant de te créer, avant de me créer, Dieu avait déjà décidé de mon destin. Il m'avait élu avant la fondation du monde. Mon destin, c'est d'être avec lui. Il m'a choisi, non à cause de ce que j'ai fait, non à cause que je suis meilleur, mais on l'a vu dans sa grâce, selon sa grande miséricorde, selon sa propre volonté. Donc, le peuple élu se compose de personnes choisies par Dieu, tout simplement. Mais quelle est la source du choix de Dieu? Quelle est la base du choix de Dieu? Verset 2 nous dit « Selon la préscience de Dieu ». Et c'est ce texte-là, cette expression-là, la préscience de Dieu, qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a deux interprétations pour ce texte, deux interprétations qui sont connues, qui font partie de toute une théologie. Aujourd'hui, on ne fait qu'un survol de tout ça. La souveraineté de Dieu, c'est très large. Et lorsqu'on touche un peu, comme le dernier message, sur la prédestination, on a fait un survol seulement. Aujourd'hui, on touche la préscience de Dieu, et c'est un survol encore une fois. Ces deux pensées, deux façons d'interpréter la Bible, si je peux me dire, il y en a un d'un côté, c'est arménien, arménianisme. L'autre, c'est calviniste. Ces termes-là ne sont pas dans la Bible, mais les vérités, de la façon dont on peut les interpréter, ça vient de ces deux personnages-là. Donc, élu selon la préscience de Dieu. Je disais qu'il y avait deux interprétations. Certaines personnes disent que le terme « préscience » signifie que nous sommes choisis parce que Dieu a vu d'avance. Dieu savait d'avance ce qui allait arriver. Avez-vous déjà entendu ça? C'est une explication qui est courante de la préscience de Dieu. Si on croit que Dieu a vu d'avance ce qui allait arriver, savait d'avance ce qui allait arriver, C'est une des expressions de préscience de Dieu, mais il y a des problèmes avec cette interprétation-là. Et on va regarder trois problèmes, si je peux dire, que la Bible nous dit par rapport à interpréter de cette façon-là. Premièrement, si nous traduisons préscience comme le fait de voir à l'avance, et supposons que Dieu a justement regardé dans l'histoire et il a vu ce que vous feriez, alors il a écrit votre nom dans le livre de vie, parce qu'il a vu que vous alliez croire. Si on interprète de cette façon-là, la première chose que ça fait, c'est que ça rend l'homme souverain. Nous sommes souverains. Nous avons cru et Dieu dit, « Ah, je vois, il va croire, donc je vais écrire son nom. » Donc, nous sommes souverains, Dieu écrit simplement ce qu'il voit. Le problème est que Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus est très clair. Ici, il nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi. » C'est Jésus qui parle. Bien sûr, il parle à ses disciples, les apôtres, mais la Bible au complet, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont remplis de cette vérité que c'est Dieu qui a choisi Moïse. C'est Dieu qui a choisi Isaac, c'est Dieu qui a choisi Jacob, c'est Dieu qui a choisi David, c'est Dieu qui a choisi Salomon, c'est Dieu qui a choisi Samuel, c'est Dieu qui a choisi Abraham. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est toujours Dieu qui initie, c'est Dieu qui va choisir, c'est Dieu qui fait l'élection. Et c'est la même chose avec les croyants. Jésus nous dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, deuxième vérité face à, si on croit que Dieu a regardé d'avance, il voit qu'on l'a choisi. Et donc, il écrit notre nom dans le livre de vie. Deuxième chose que ça fait, ça donne à l'homme une grande partie du crédit pour son salut, n'est-ce pas? Dieu regarde et il voit que je vais le choisir. Donc, il écrit mon nom. Donc, j'ai une gloire là-dedans. Là. Je partage le crédit jusqu'à un certain point avec Dieu. Mais 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 28 et 29, nous dit... Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Pourquoi? Pour réduire à néant celles qui sont, verset 29, très important, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair, aucun homme, aucun être humain, ne puisse se glorifier devant Dieu. Je renchéris avec Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qu'on connaît très bien. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La gloire est à Dieu. Dieu veut garder sa gloire. Alors, si je crois que Dieu a vu d'avance, ou savait d'avance que je croirais, et qu'ensuite il a simplement écrit mon nom dans le livre de la vie, première des choses, je disais, ça rend l'homme souverain. Deuxième chose, je partage la gloire avec Dieu. Et troisième chose que ça produit, ça suppose que l'homme, l'être humain, dans son état perdu, dans son état déchu, est capable de chercher après Dieu. Que l'homme, en tant qu'être perdu, déchu, mort spirituellement, serait capable de chercher Dieu. Mais les Écritures, encore une fois, nous disent le contraire. Romains chapitre 3, verset 11 nous dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » La raison pour laquelle vous êtes sauvés, ce n'est pas parce que vous avez cherché Dieu, mais plutôt parce que Dieu vous a cherché. Dieu vous a cherché et vous a attiré à son Fils Jésus-Christ. Il a attiré votre cœur à lui. 1 Jean chapitre 4, verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Il nous a aimés en premier et il a envoyé son Fils pour expier, pour payer pour nos péchés à notre place. Donc, si vous acceptez l'idée que Dieu ne fait que regarder en bas de l'histoire, regarde l'histoire, et qu'il voit que vous allez croire, et qu'ensuite il écrit votre nom, je disais que ça fait de vous une personne souveraine. Vous êtes souverain au-dessus de Dieu, sur Dieu. Vous avez le crédit, en partie de votre salut, une partie de la gloire. Et ça suppose de penser comme ça, de voir ça, d'interpréter le mot préscience par savoir d'avance, dans le sens d'avoir vu d'avance. Ça suppose que vous, que l'homme, de sa propre volonté, peut chercher Dieu. Et je vous donne un bonus, un numéro 4. Si vous, si on croit encore ça, vous venez de faire de Dieu une victime du choix des hommes. Dieu n'a pas le choix de me choisir, puisque j'ai cru. Si j'ai cru, il ne peut pas ne pas me choisir. J'ai cru en lui, j'ai cru en son Fils. Si on interprète le mot préscience par voir d'avance, savoir d'avance, ce qui va arriver, bien entendu. Mais le mot préscience ne signifie pas cela. Il ne signifie pas voir à l'avance ou savoir à l'avance ce qui va arriver. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit l'interpréter, et ce n'est même pas ce que le mot veut dire. Justement, le mot « préscience », élu selon la préscience de Dieu. Le mot « préscience », c'est le mot « pronostic » dans le grec. Vous avez certainement entendu ce mot-là, un « pronostic ». En médecine, le pronostic, ça veut dire « savoir d'avance » dans le sens de « prévoir ». C'est un terme qui dénote la prédiction par le médecin du progrès de la maladie du patient et de ses chances éventuelles de guérison. Je sais ce qui va arriver. Le médecin sait ce qui va arriver si vous avez une jambe cassée et vous la mettez pas dans le plâtre. Ici, il peut savoir, il le sait ce qui va arriver. C'est pas qu'il l'a vu, mais il le sait. Vous avez une infection des yeux, vous avez une maladie. Si tu n'es pas soigné, voici ce qui va t'arriver. Je le sais. Voici comment, de quelle façon ça va se dégrader. Si tu prends le médicament, si tu es soigné, voici ce qui va arriver. Voici, en tant qu'être humain, je pense combien de temps ça va te prendre pour guérir. Donc, je pose un pronostic. Non parce que j'ai vu d'avance, mais parce que je sais comment que ça se passe. Et là, c'est du point de vue du médecin. Donc, c'est une préconnaissance, c'est prévoyance. Une préconnaissance. Maintenant, du point de vue de Dieu, comment comprendre « élu selon la préscience de Dieu » ? Dieu nous a élus selon sa préscience. Regardez dans Actes, chapitre 2, verset 23. C'est Pierre qui, au jour de la Pentecôte, en parlant de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, il dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu » Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. La même expression ici, selon la préscience de Dieu. Dieu, et là on est certain que Dieu n'a pas regardé dans le futur pour voir de quelle façon Jésus mourrait, puis dire « Ah, c'est comme ça qu'ils vont faire, c'est ça que Jésus va dire, c'est comme ça qu'il va répondre, c'est comme ça qu'ils vont l'avoir. » Ah, mais non. Ça nous dit « selon le dessein arrêté de Dieu », selon sa prévision, selon la préscience de Dieu, selon son pronostic. Dieu s'était prononcé d'avance. Voici comment que ça va arriver. Et c'est comme ça que Jésus accomplit les Écritures, telles qu'annoncées, telles qu'inscrites dans les Écritures, telles que les Écritures le disent. Donc, non, Jésus a été livré pour mourir selon un plan prédéterminé et selon le dessein arrêté de Dieu, selon le pronostic de Dieu lui-même. À la lettre, ça s'est accompli. La préscience de Dieu, le pronostic de Dieu, c'est lié au dessein de Dieu, au plan prédéterminé. La préscience, le pronostic de Dieu, c'est un choix délibéré de Dieu. Donc, lorsqu'on a été élu selon la préscience, c'est un choix que Dieu a fait. Dieu s'est prononcé, c'est un pronostic qu'il a fait, c'est comme ça que ça va arriver, ton salut. Ça ne signifie pas que Dieu a observé le futur, mais plutôt qu'il a décrété le futur, qu'il a planifié ce futur-là. pour toi et pour moi. Par exemple, pour bien comprendre, je vous lis Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses parti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Mais qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit « Je te connaissais ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit « Je t'avais déjà vu? On s'était déjà parlé avant? » Non. Il dit, je le relis, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il dit, « J'ai prédéterminé d'avoir une relation avec toi. Avant que tu existes dans ma pensée, j'avais prédéterminé d'avoir une relation avec toi. J'avais décidé, résolu, choisi de me révéler à toi. » Un autre texte, Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Encore une fois, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui, Jésus. Et là, il dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Est-ce qu'il est en train de dire, « Parmi tous ceux que j'ai créés, c'est la première fois que je vous vois. » Il dit, « C'est pas moi que vous ai fait, d'où c'est que vous venez? » C'est pas ça qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Il dit, « Je n'ai pas de relation prédéterminée avec vous. Je n'ai pas résolu, je n'ai pas choisi de me révéler à vous. » Revenons à Pierre maintenant, à notre texte pour bien comprendre. Quand Pierre dit « Choisis selon la préscience de Dieu »,« Élu selon la préscience de Dieu », il veut dire « Dieu a prédéterminé d'avoir une relation d'intimité avec eux, avec ces gens qui sont persécutés là. » C'est exactement ce qu'il veut dire. La source du choix souverain de Dieu est que Dieu a préalablement déterminé d'établir une relation avec nous. Avec vous. Tout comme Dieu a élu Christ par sa préscience, si on peut dire, il nous a élus exactement, selon son pronostic, selon ce dessein arrêté. Il avait prédéterminé d'avoir une relation avec toi, avec moi. Donc, la nature de l'élection, c'est que nous sommes choisis, nous sommes élus par Dieu. La condition de l'élection, c'est que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'est notre condition présentement. Et la source de l'élection, elle provient d'une relation prédéterminée par Dieu, avec Dieu, qui l'a décrété dans le cadre de son dessein, de son plan. Verset 2, on continue dans le texte, élu selon la préscience de Dieu, par le travail de sanctification de l'Esprit. Par le travail de sanctification de l'Esprit. Comment savons-nous que nous sommes élus? Comment est-ce que je sais que je suis élu? Parce que j'ai vu l'Esprit de Dieu venir avec puissance dans ma vie et la transformer. Changer ma vie, c'est la seule façon que je peux voir que je suis élu. Dieu me dit, si tu crois, tu as la vie éternelle. OK, je le crois. Mais comment je le vois? C'est par les transformations de cette vérité-là. L'Esprit de Dieu me transforme. L'Esprit de Dieu, ça dit, par le travail de sanctification de l'Esprit. Par la sanctification que l'Esprit de Dieu opère. C'est à ce moment-là que l'élection est devenue une réalité de ma vie. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Écoutez bien cela. « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité. » L'Esprit produit un changement dans notre vie. Et ici, le mot « sanctification », ça veut dire « séparation ». Ce n'est pas « amélioration de ma vie, de ma conduite, de ma marche chrétienne ». Sanctifier, c'est être saint, c'est être mis à part. Donc, l'Esprit de Dieu m'a mis à part. Dieu a planifié le salut, Jésus-Christ a accompli le salut, et l'Esprit de Dieu l'a appliqué dans ma vie, ce salut-là. Romains chapitre 15, verset 15 nous dit, « Je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre, c'est-à-dire serviteur, de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. » C'est la même phrase utilisée ici, « étant sanctifiés par l'Esprit-Saint ». Utilisée, c'est synonyme de salut. Le travail de sanctification de l'Esprit, c'est qu'il met des gens à part pour Dieu. Ça signifie que vous êtes mis à part du péché, loin du péché, pour Dieu, pour le servir. C'est un synonyme de salut, cette expression-là, dans 1 Pierre. C'est le travail de l'Esprit-Saint à la conversion. Il nous met à part. Le salut, c'est une œuvre de l'Esprit. La Bible nous dit que nous sommes nés de l'Esprit. C'est son travail, c'est son œuvre. L'Esprit nous accorde la foi, n'est-ce pas? L'Esprit nous ouvre le cœur afin qu'on puisse croire. L'Esprit nous régénère, nous met en vie, nous donne la vie, oui. L'Esprit nous enseigne afin qu'on puisse comprendre le message. Il ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur. Et l'Esprit nous accorde, bien entendu, la repentance. C'est l'Esprit qui nous détourne du péché, qui nous attire vers Jésus, qui nous tourne vers Dieu. Par la sanctification de l'Esprit, signifie être mis à part. C'est séparation. C'est vraiment spécial. Là, on va vite là-dessus, là. Mais c'est un sujet très précieux, très encourageant, extraordinairement grand, riche. Et je vous invite à étudier le sujet de la souveraineté de Dieu, qui nous parle justement de la prédestination, de l'élection, du salut, de la préscience de Dieu, plusieurs termes utilisés qui veulent dire, qui nous parlent du sujet de la souveraineté de Dieu. C'est vraiment spécial, je me disais, lorsqu'on s'arrête, que le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a prédéterminé avant la fondation du monde, dans son esprit, ce Dieu grand, bon, miséricordieux, unique, a prédéterminé dans son esprit, selon son propre plan, oui, sans influence extérieure, et dans sa grâce d'avoir une relation avec moi et avec toi. C'est vraiment spécial lorsqu'on s'arrête à y réfléchir. Dieu a choisi de se révéler à toi, personnellement, et à moi. Écoutez ce que Spurgeon, un théologien, pasteur des années passées, écoutez ce que Spurgeon a écrit, et je vais terminer ensuite avec ça, avec quelques commentaires. Avant que le salut ne vienne dans ce monde, l'élection a marché en éclaireur. Elle avait pour travail le jalonnement, le marquage, le bornage du salut. L'élection a traversé le monde et elle a marqué les maisons où le salut devait venir, ainsi que le cœur dans lequel le trésor devait être déposé. L'élection a regardé à travers toute la race humaine, depuis Adam jusqu'aux derniers humains, et elle a marqué de son sceau ceux pour qui le salut était destiné. Le salut doit se rendre en Ontario, à Sept-Îles, à Val-d'Or, à Amos, en Haïti et ailleurs. C'est là que le salut doit se rendre, dit l'élection. Puis vint la prédestination. La prédestination, de son côté, a cartographié la route sur laquelle le salut doit se rendre jusqu'à cette maison. La prédestination a décrété chaque étape de la grande armée du salut. La prédestination a décrété l'époque où le pécheur devait être amené à Christ, la manière dont il serait sauvé et les moyens qui devaient être employés. Elle a marqué l'heure exacte et le moment où l'Esprit de Dieu devait ressusciter des morts le pécheur et où la paix et le pardon devaient être prononcés par le sang de Jésus-Christ sur cette personne, sur toi. La prédestination a marqué la route de façon si complète jusqu'à la maison que le salut ne peut jamais passer tout droit, arriver en retard ou se perdre en chemin. Dieu, dans le décret éternel du Dieu souverain, chaque étape de la grâce de Dieu a été décrétée. Fin de citation. Quelle image magnifique, n'est-ce pas? On voit la grandeur, la majesté de Dieu, la toute-puissance, la souveraineté de notre Dieu. L'élection a marqué la maison. La prédestination a aménagé le chemin et le calendrier du salut. Et le salut a suivi cette voie jusqu'à vous et moi. Donc, toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que nous voulons par son esprit. Maintenant, comment appliquer cette vérité dans ma vie maintenant, dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, la prédestination, l'élection, la préscience de Dieu? Qu'est-ce que ça produit? On l'a vu un peu, mais dans ma vie de tous les jours, là, qu'est-ce que ça fait? Je peux vous dire pour moi personnellement que ça produit la louange devant un Dieu si grand, si grandiose, si puissant, si extraordinaire, qui me dépasse. Comment est-ce que tu fais, Seigneur? Comment est-ce que tu fais pour me choisir tout en respectant mon choix? Parce que j'ai choisi, un jour j'ai dit, je pourrais dire, j'ai reçu Jésus-Christ. J'ai dit oui à Jésus-Christ. Et on avait mis ce choix-là devant moi, oui ou non, Jésus ou pas Jésus. Le chemin, le seul chemin ou un autre chemin. Chacun suivait sa propre voie. Donc, Jésus a dit, un jour il m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai cru. Et je ne me suis pas senti obligé. Je me suis senti attiré par lui. Et je n'ai pas pu résister à sa grâce, gloire à lui. Mais Dieu m'a élu. Et en même temps, je ne me sens pas un bras tiré dans le dos. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'il fait? Je ne suis pas une marionnette, j'ai choisi, là. Vous voyez, Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Dieu est extraordinaire. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc, ça produit, première des choses, je disais, ça produit la louange dans mon cœur pour mon Dieu. Deuxième des choses, ça produit l'humilité dans ma vie. Parce que je m'aperçois que je ne suis rien et que lui est tout. Jean-Baptiste a bien dit, hein, il est nécessaire que moi je diminue et que lui grandisse. Que lui soit élevé et que moi je sois rabaissé, c'est correct. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai été conçu. Donc la louange, l'humilité, et la troisième chose que je pourrais voir que ça produit dans ma vie, que ça produit dans la vie des croyants, c'est l'assurance. L'assurance dans la vie que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu a décrété. Dieu a décrété quand j'allais naître et quand je vais mourir. De quelle façon ça va arriver? Quand je vais aller le rejoindre? Il avait décrété quand j'allais croire, quand il allait se révéler à moi et transformer mon cœur de pierre en cœur de chair afin que je puisse croire en lui. Et pourtant, ça se produit et je le fais volontairement, je le fais joyeusement. Et il n'y a rien de forcé. Donc, ça produit l'assurance dans ma vie, dans ma marche chrétienne avec lui, sachant qu'il est au contrôle et que ce n'est pas moi qui est au contrôle. Et ça produit également l'assurance dans mon évangélisation. Parce que je sais que tous les élus vont venir à Christ au moment où est-ce que Dieu va les appeler. Je sais que ce n'est pas à cause de mon éloquence de ma grande mémoire ou de ma piété que les gens viennent à Jésus-Christ. Ou au contraire, je sais que ce n'est pas à cause de mon manque de mémoire, à cause de mes versets cités hors contexte, de ma timidité, ou que ce n'est pas à cause de mon péché que les gens ne viennent pas à Christ. Ce n'est pas à cause que c'est mon don, l'évangélisation, que les gens viennent au Seigneur. Puis ce n'est pas à cause que ce n'est pas mon don que les gens ne viennent pas à Jésus-Christ. Mais je sais que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais que de Dieu qui fait miséricorde. Écoutez Ésaïe chapitre 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Parlez-moi d'un Dieu souverain, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le seul Dieu. La souveraineté de Dieu, frères et sœurs, la souveraineté de Dieu, c'est le rocher sur lequel je peux m'appuyer pour annoncer l'Évangile. La souveraineté de Dieu, c'est le rocher, le roc, sur lequel je peux m'appuyer pour annoncer l'Évangile. Notre rôle, mon rôle, c'est simplement d'annoncer librement et joyeusement la bonne nouvelle et de laisser à Dieu le rôle, le soin de sauver les personnes qui sont élues. Je répète, notre rôle est simplement d'annoncer librement et joyeusement la bonne nouvelle et de laisser Dieu le soin de sauver la personne, les personnes élues. Et les résultats de notre prédication de l'Évangile ne dépendent pas de nos désirs ou de notre volonté, mais de Dieu qui est tout-puissant, souverain et miséricordieux. Les résultats appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, j'ai remarqué dans les églises, souvent les gens, les pasteurs ou même les évangélistes ou les gens dans l'église vont dire hey, « Nous, on fait ça et ça fonctionne. Vous devriez essayer ça. » Attention, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que c'est lui qui sauve? Est-ce que Dieu sauve à cause d'une technique? Non. Dieu a élu des gens. Et il va les sauver, ces élus-là, ces choisis-là, dans le temps qu'il a choisi tout ça. Ce que je remarque, c'est que lorsqu'on va annoncer l'Évangile, les gens se convertissent. Parce que quoi? Jésus dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples ». Il dit « Allez, faites des disciples. Faites des disciples, allez ». Donc, on part avec une technique, avec une autre. Mais peu importe la technique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on annonce la bonne nouvelle. Et lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, lorsqu'on ouvre la bouche, je devrais dire, alors les élus entendent l'Évangile et se convertissent. Dieu les sauve. Donc, peu importe la technique que vous utilisez, si vous annoncez l'Évangile, il est bien possible que vous tombiez sur un élu à un moment donné et que Dieu le sauve. Donc, glorifiez Dieu qui sauve et non la technique de l'Église ou votre propre technique ou votre propre expérience ou votre mémoire phénoménale. Donnons la gloire à Dieu. À Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le rocher sur lequel je m'appuie pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous remarquons, nous constatons que nous sommes extrêmement privilégiés de te connaître parce que tu as choisi de te révéler à nous. Non parce que nous avons dit, non parce que nous avons fait, non parce que tu as vu le futur, mais tu l'as décrété, Seigneur. Tu nous as élus avant la fondation du monde, avant que nous ayons fait quoi que ce soit. Selon ta propre volonté, parce que c'est un Dieu qui désire se révéler, qui désire se révéler à ses élus, ses enfants, qui veut être glorifié. Seigneur, nous sommes tellement bénis de te connaître. Et ce, pour l'éternité. Il n'y a pas de sablier avec toi, Seigneur. C'est que c'est extraordinaire. C'est l'éternité devant nous avec toi, avec Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour cette vérité. Accomplis dans notre vie ta volonté, toi seul, Dieu souverain. Amen. Frères et sœurs, si vous désirez en savoir plus, peut-être, sur l'évangélisation et la souveraineté de Dieu, je vous invite à lire un livre qui s'appelle « L'évangélisation et la souveraineté de Dieu ». C'est assez clair, hein? De G.E. Packer. Un excellent livre qui met en perspective la responsabilité humaine d'agir, de parler, de faire des choses, et en même temps, Dieu qui est souverain au-dessus de tout ça. Comment est-ce qu'on balance les deux? La Bible nous dit que « tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Donc, il y a des gens qui ont cru. J'ai cru, vous avez cru, parce que j'étais destiné à la vie éternelle. Donc, c'est ce ballon-là. Comment ça se fait? On ne comprend pas tout, mais c'est extraordinaire de s'appliquer à étudier la parole, d'y réfléchir, de regarder les textes, et ça nous émerveille devant ce Dieu-là. C'est le but. Donc, je vous remercie et je vous invite à revenir encore une fois dans notre prochain message. Bonne semaine.